23-23. Observation, futur régulier. Verbe en IR. Je finirai. J'ai. Tu finiras. Tu as. Elle finira. Elle a. Nous finirons. Nous avons. Vous finirez. Vous avez. Ils finiront. Ils ont. Vous notez que le radical du futur est identique à l'infinitif. Et les terminaisons du futur sont identiques aux terminaisons du présent du verbe avoir.